Les liaisons dangereuses de Pierre Chauderlos de Laclos, adaptation Lise Charles. Troisième épisode. Valmont a profité d'une occasion favorable pour déclarer son amour à Madame de Tourvel. Saisie d'effroi, elle lui a imposé le silence. Quant à l'ingénue Cécile, guidée par la marquise de Merteuil, elle a avoué son amour à Danceny. Lettre 31. Le chevalier Danceny à Cécile Volanges, ce 25 août. Oui, sans doute, nous serons heureux. Mon bonheur est bien sûr puisque je suis aimé de vous. Le vôtre ne finira jamais s'il doit durer autant que l'amour que vous m'avez inspiré. Après avoir lu ce charmant « Je vous aime » écrit de votre main, j'ai entendu votre belle bouche m'en répéter l'aveu. Quelle heureuse journée nous avons passée hier! Pourquoi ne puis-je sans cesse tenir cette jolie main et la couvrir de baisers? Dites-moi, ma Cécile, quand votre maman est rentrée, quand nous avons été forcés de n'avoir plus l'un pour l'autre que des regards indifférents, n'avez-vous senti aucun regret? Ne vous êtes-vous pas dit « Un baiser lui rendu plus heureux et c'est moi qui lui ai ravi ce bonheur » Promettez-moi, mon aimable ami, qu'à la première occasion vous serez moins sévère. Adieu, ma charmante Cécile. Voici l'heure où je dois me rendre chez vous. Adieu, vous que j'aime tant. Vous que j'aimerai toujours davantage. Lettre 33. La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont, ce 24 août. Votre conduite, mon cher vicomte, est un chef-d'œuvre de prudence. Et je crains que vous ne vous fassiez illusion. Ce que je vous reproche n'est pas de n'avoir point profité du moment. D'une part, je ne vois pas clairement qu'il fût venu. De l'autre, je sais assez qu'une occasion manquée se retrouve, tandis qu'on ne revient jamais d'une démarche précipitée. Mais votre tort véritable est de vous être laissé aller à écrire. Par hasard, espérez-vous prouver par des raisonnements à cette femme qu'elle doit se rendre ? Et même si vos belles phrases produisaient une ivresse assez forte pour la décider, vous flattez-vous qu'elles soient assez longues pour que la réflexion n'ait pas le temps d'en empêcher l'aveu? La vertu raisonneuse de Madame de Tourvel me paraît fort bien connaître la valeur des termes. Aussi, malgré l'avantage que vous aviez pris sur elle dans votre conversation, elle vous bat dans sa lettre. Croyez-moi, vicomte, on vous demande de ne plus écrire. Profitez-en pour réparer votre faute et attendez l'occasion de parler. S'il était moins tard, je vous parlerais de la petite Volanges, qui avance assez vite et dont je suis contente. Je crois que j'aurais fini avant vous. Et vous devez en être bien honteux. Adieu pour aujourd'hui. Lettre 34. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil, ce 25 août. Vous parlez à merveille, ma belle amie. Mais pourquoi vous fatiguez à prouver ce que personne n'ignore ? Pour aller vite en amour, il vaut mieux parler qu'écrire. Voilà, je crois, toute votre lettre. Vous supposez par là que j'ai le choix entre écrire et parler, ce qui n'est pas. Depuis l'affaire du 19 août, mon inhumaine qui se tient sur la défense a mis, à éviter les rencontres, une adresse qui a déconcerté la mienne. C'est au point que, si cela continue, elle me forcera à m'occuper sérieusement d'en trouver les moyens. Car assurément, je ne souffrirai d'être vaincu par elle en aucun genre. Mes lettres mêmes sont le sujet d'une petite guerre. Non contente de n'y pas répondre, elle refuse de les recevoir. Il faut pour chacune une ruse nouvelle, et qui ne réussit pas toujours. Afin de lui faire accepter ma dernière lettre, je dus déguiser mon écriture pour l'adresse, et je contrefis assez bien sur l'enveloppe le timbre de Dijon, d'où lui écrit d'ordinaire son mari. Je joins à ce récit le brouillon de cette lettre. Vous serez aussi instruite que moi. Adieu, ma belle amie. Lettre 36. Le vicomte de Valmont à la présidente de Tourvel, ce 23 août. Votre sévérité augmente chaque jour, madame. Vous refusez mes lettres avec obstination, vous me les renvoyez avec mépris. Vous me forcez enfin de recourir à la ruse dans le moment même où mon unique but est de vous convaincre de ma bonne foi. Permettez donc, madame, que mon cœur se dévoile entièrement à vous. Il vous appartient. Il est juste que vous le connaissiez. J'étais bien éloigné, en arrivant chez Madame de Rosemonde, de prévoir le sort qui m'y attendait. J'ignorais que vous y fussiez, et j'ajouterai, avec la sincérité qui me caractérise, que quand je l'aurais su, ma sécurité n'en eût point été troublée. Non que je rendisse à votre beauté la justice qu'on ne peut lui refuser, mais accoutumé à n'éprouver que des désirs, à ne me livrer qu'à ce que l'espoir encourageait, je ne connaissais pas les tourments de l'amour. Le genre de vie qu'on menait ici différait beaucoup, sans doute, de celui auquel j'étais accoutumé, mais il ne m'en coûta rien de m'y conformer. Malheureusement, et pourquoi faut-il que ce soit un malheur, en vous connaissant mieux, je reconnus bientôt que cette figure enchanteresse qui seule m'avait frappé était le moindre de vos avantages. Votre âme céleste étonna, séduisit la mienne. J'admirais la beauté, j'adorais la vertu. Sans prétendre à vous obtenir, je m'occupais de vous mériter. Alors je connus l'amour. Bientôt le plaisir de vous voir se changea en besoin. Vous absentiez-vous un moment, mon cœur se serrait de tristesse. Au bruit qui m'annonçait votre retour, il palpitait de joie. Je n'existais plus que par vous et pour vous. Enfin, un jour arriva où devait commencer mon infortune. Et par une inconcevable fatalité, une action honnête en devint le signal. C'est après avoir épuisé mes forces dans ce combat inégal qu'un hasard que je n'avais pu prévoir me fit trouver seul avec vous. Là, je succombai, je l'avoue. Mon cœur trop plein ne put retenir ses discours ni ses larmes. Mais est-ce donc un crime? Et si c'en est un, n'est-il pas assez puni par les tourments affreux auxquels je suis livré? Dévoré par un amour sans espoir, j'implore votre pitié et ne trouve que votre haine. Sans autre bonheur que celui de vous voir, mes yeux vous cherchent malgré moi et je tremble de rencontrer vos regards. Dans l'état cruel où vous m'avez réduit, je passe les jours à déguiser mes peines et les nuits à m'y livrer. Tandis que vous, tranquille et paisible, vous ne connaissez ces tourments que pour les causer et vous en applaudir. Cependant, c'est vous qui vous plaignez et c'est moi qui m'excuse. Voilà pourtant, madame. Voilà le récit fidèle de ce que vous nommez mes torts et que peut-être il serait plus juste d'appeler mes malheurs. Un amour pur et sincère. Un respect qui ne s'est jamais démenti. Une soumission parfaite. Tels sont les sentiments que vous m'avez inspirés. Vous me réclamez votre lettre. J'en ai pourtant besoin pour me souvenir que vous voulez me fuir. Quand tout en vous augmente et justifie mon amour, c'est elle qui me répète que mon amour vous outrage. Vous concevez à présent que mon plus grand bonheur serait de pouvoir vous rendre cette lettre fatale. Lettre 38. La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont, ce 27 août. Votre énorme paquet m'arrive à l'instant, mon cher vicomte. Si je prenais le temps de le lire, je n'aurais plus celui d'y répondre. Je préfère de vous en accuser seulement la réception et nous causerons d'autre chose. L'automne ne laisse à Paris presque point d'homme qui ait figure humaine. Aussi je suis depuis un mois d'une sagesse à périr. Ne pouvant m'occuper, je me distrais avec la petite Volange et c'est d'elle que je veux vous parler. Savez-vous que vous avez perdu plus que vous ne croyez à ne pas vous charger de cet enfant? Elle est vraiment délicieuse. Cela n'a ni caractère, ni principe. Je ne crois pas qu'elle brille jamais par le sentiment, mais tout annonce en elle les sensations les plus vives. Sans esprit et sans finesse, elle a pourtant une certaine fausseté naturelle qui parfois m'étonne moi-même et qui réussira d'autant mieux que sa figure offre l'image de la candeur. Elle est naturellement très caressante. Elle est d'autant plus plaisante qu'elle ne sait rien, absolument rien de ce qu'elle désire tant de savoir. Il lui en prend des impatiences tout à fait drôles. Elle rit, elle se dépite, elle pleure, et puis elle me prie de l'instruire avec une bonne foi réellement séduisante. En vérité, je suis presque jalouse de celui à qui ce plaisir est réservé. Depuis 4 ou 5 jours, j'ai l'honneur d'être sa confidente. Je lui ai permis d'écrire et de dire « j'aime ». Et le même jour, sans qu'elle s'en doutât, je lui ai ménagé un tête-à-tête avec son Danceny. Mais figurez-vous qu'il est si sot encore qu'il n'en a seulement pas obtenu un baiser. Ce garçon fait pourtant de fort jolis vers. Mon Dieu, que ces gens d'esprit sont bêtes. Adieu, vicomte. Je vais me mettre à ma toilette où je lirai votre volume. Lettre 41. La présidente de Tourvel au vicomte de Valmont, ce 25 août. Il semble, monsieur, par votre conduite avec moi, que vous ne cherchiez qu'à augmenter chaque jour les sujets de plainte que j'avais déjà contre vous. Cependant, je m'en tiens à vous faire une demande aussi simple que juste. Et si je l'obtiens de vous, je consens que tout soit oublié. Je désire donc que vous ayez la complaisance de vous éloigner de moi, de quitter ce château, où un plus long séjour de votre part ne pourrait que m'exposer davantage au jugement d'un public toujours prompt à mal penser d'autrui. Averti déjà depuis longtemps de ce danger par mes amis, j'ai négligé, j'ai même combattu leur avis. Aujourd'hui, que je ne peux plus l'ignorer, je dois au public, à mes amis, à moi-même, de suivre ce parti nécessaire. Prouvez-moi donc, monsieur, que comme vous me l'avez dit tant de fois, les femmes honnêtes n'auront jamais à se plaindre de vous. Prouvez-moi au moins que quand vous avez des torts avec elles, vous savez les réparer. Lettre 42. Le vicomte de Valmont à la présidente de Tourvel, ce 26 août. Quelque dures que soient, madame, les conditions que vous m'imposez, je ne refuse pas de les remplir. Je sens qu'il me serait impossible de contrarier aucun de vos désirs. Une fois d'accord sur ce point, j'ose me flatter qu'à mon tour, vous me permettrez de vous faire quelques demandes bien plus faciles à accorder que les vôtres. L'une, que j'espère qu'il sera sollicité par votre justice, et de vouloir bien me nommer mes accusateurs auprès de vous. L'autre, que j'attends de votre indulgence, et de me permettre de vous renouveler quelquefois l'hommage d'un amour qui va plus que jamais mériter votre pitié. Sans doute vous ne serez pas étonné non plus qu'avant de partir, j'ai à cœur de justifier auprès de vous les sentiments que vous m'avez inspirés. C'est pourquoi je vous demande un moment d'entretien. Adieu, madame. Jamais ce mot ne m'a tant coûté à écrire que dans ce moment où il me ramène à l'idée de notre séparation. Lettre 44. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil, ce 28 août. Partagez ma joie, ma belle amie. Je suis aimé, et j'ai triomphé de ce cœur rebelle. C'est en vain qu'il dissimule encore, mon heureuse adresse a surpris son secret. Hier même, après avoir écrit ma lettre, j'en reçus une de la céleste dévote. Je vous l'envoie. Vous y verrez qu'elle me donne, le moins maladroitement qu'elle peut, la permission de lui écrire. Mais elle y presse mon départ, et je sentais bien que je ne pouvais le différer trop longtemps sans me nuire. Grâce à une ruse dont je vous épargne le récit pour le moment, j'ai gagné la femme de chambre, et j'ai obtenu d'elle de me livrer les poches de sa maîtresse, dont elle peut s'emparer aisément le soir et qu'il lui est facile de replacer le matin sans donner le moindre soupçon. Le soir, la fidèle femme de chambre vint m'apporter les lettres en question. Une fois maître de ce trésor, je procédai à l'inventaire avec la prudence que vous me connaissez. Je tombai d'abord sur deux lettres du mari, mélange indigeste de détails de procès et de tirades d'amour conjugal, que j'eus la patience de lire en entier, et où je ne trouvais pas un mot qui eût rapport à moi. Je l'ai replacée avec humeur, mais elle s'adoucit en trouvant sous ma main les morceaux de ma fameuse lettre de Dijon, soigneusement rassemblés. Jugez de ma joie, en y apercevant les traces bien distinctes des larmes de mon adorable dévote. Je l'avoue, je cédai à un mouvement de jeune homme et baisai cette lettre avec un transport dont je ne me croyais plus susceptible. Jusque-là, j'étais tout entière à l'amour. Bientôt, il fit place à la fureur. Qui croyez-vous qui veuille me perdre auprès de cette femme que j'adore? Vous la connaissez. C'est votre amie, votre parent. C'est Madame de Volanges. Vous n'imaginez pas quel tissu d'horreur l'infernale mégère lui a écrit sur mon compte. C'est elle. Elle seule qui a troublé la sécurité de cette femme angélique. C'est par ses conseils, par ses avis pernicieux que je me vois forcé de m'éloigner. C'est à elle enfin que l'on me sacrifie. Ah, sans doute, il faut séduire sa fille. Mais ce n'est pas assez. Il faut la perdre. Et puisque l'âge de cette maudite femme la met à l'abri de mes coups, il faut la frapper dans l'objet de ses affections. Elle veut donc que je revienne à Paris. Elle m'y force. Soit, j'y retournerai. Mais elle gémira de mon retour. Je m'oublie dans ma colère, revenons. Ce matin, j'ai revu ma sensible prude. Jamais je ne l'avais trouvée si belle. Le plus beau moment d'une femme, le seul où elle puisse produire cette ivresse de l'âme dont on parle toujours et qu'on éprouve si rarement, est celui où, assuré de son amour, nous ne le sommes pas de ses faveurs, et c'est précisément le cas où je me trouvais. J'ai donc annoncé mon départ. Un moment après, Madame de Rosemonde nous a laissés seuls. J'étais encore à quatre pas de la farouche personne, que se levant avec l'air de l'effroi, « Laissez-moi, laissez-moi, monsieur, m'a-t-elle dit. Au nom de Dieu, laissez-moi. » Cette prière fervente ne pouvait que m'animer davantage. Déjà j'étais auprès d'elle, et je tenais ses mains qu'elle avait jointes avec une expression tout à fait touchante, quand un démon ennemi a ramené Madame de Rosemonde. La timide dévote en a profité pour se retirer. Je lui ai pourtant offert la main qu'elle a acceptée. Arrivé à la porte de son appartement, j'ai voulu baiser cette main avant de la quitter. La défense a commencé par être franche, mais un « songez donc que je pars » prononcé bien tendrement l'a rendue gauche et insuffisante. À peine le baiser a-t-il été donné que la main a retrouvé sa force pour échapper et que la belle est entrée dans son appartement où était sa femme de chambre. Ici finit mon histoire. Lettre 47. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil, ce 30 août. Je ne vous verrai pas encore aujourd'hui, ma belle amie, et voici mes raisons que je vous prie de recevoir avec indulgence. En arrivant à Paris hier, je suis descendu à l'opéra, où j'espérais que vous pourriez être. L'opéra fini, j'ai été revoir mes amis du foyer. J'y ai retrouvé mon ancienne Émilie, entourée d'une cour nombreuse, tant en femme qu'en homme, à qui elle donnait à souper le soir même. J'appris dans ma route que la maison où nous allions était le prix convenu des bontés d'Émilie pour un petit homme gros et court. Émilie se prêta, après quelques façons, au projet que je donnais de remplir de vin ce petit tonneau à bière et de le mettre ainsi hors de combat pour toute la nuit. Nous réussîmes si bien qu'au dessert, il n'avait déjà plus la force de tenir son verre. Enfin, il tomba sous la table, dans une ivresse telle qu'elle doit au moins durer 8 jours. Nous nous décidâmes alors à le renvoyer à Paris. Je le fis charger dans ma voiture et je restai à sa place. Je reçus ensuite les compliments de l'assemblée, qui se retira bientôt après, et me laissa maître du champ de bataille. J'ai trouvé Émilie si désirable que je lui ai promis de rester avec elle jusqu'à la résurrection du petit homme. Cette complaisance de ma part est le prix de celle qu'elle vient d'avoir, de me servir de pupitre pour écrire à ma belle dévote, à qui j'ai trouvé plaisant d'envoyer une lettre écrite du lit et presque d'entre les bras d'une fille, interrompue même pour une infidélité complète, et dans laquelle je lui rends un compte exact de ma situation et de ma conduite. Émilie, qui a lu l'épître, en a ri comme une folle. Et j'espère que vous en rirez aussi. Adieu, la très belle dame. Je serai chez vous à 6 heures, et nous irons ensemble sur les 7 heures chez Madame de Volanges. Lettre 48. Le vicomte de Valmont à la présidente de Tourvel, ce 30 août. C'est après une nuit orageuse, et pendant laquelle je n'ai pas fermé l'œil. C'est après avoir été sans cesse ou dans l'agitation d'une ardeur dévorante ou dans l'entier anéantissement de toutes les facultés de mon âme que je viens chercher auprès de vous, madame, un calme dont j'ai besoin et dont pourtant je n'espère pas pouvoir jouir encore. En effet, la situation où je suis en vous écrivant me fait connaître, plus que jamais, la puissance irrésistible de l'amour. J'ai peine à conserver assez d'empire sur moi pour mettre quelque ordre dans mes idées, et déjà je prévois que je ne finirai pas cette lettre sans être obligé de l'interrompre. Quoi ? Ne puis-je donc espérer que vous partagerez quelque jour le trouble que j'éprouve en ce moment ? J'ose croire cependant que si vous le connaissiez bien, vous n'y seriez pas entièrement insensible. Croyez-moi, madame, la froide tranquillité, le sommeil de l'âme, image de la mort, ne mènent point au bonheur. Les passions actives seules peuvent y conduire. Et malgré les tourments que vous me faites éprouver, je crois pouvoir assurer sans crainte que dans ce moment même, je suis plus heureux que vous. En vain m'accablez-vous de vos rigueurs désolantes. Elles ne m'empêchent point de m'abandonner entièrement à l'amour et d'oublier dans le délire qu'il me cause le désespoir auquel vous me livrez. C'est ainsi que je veux me venger de l'exil auquel vous me condamnez. Jamais je n'eus tant de plaisir en vous écrivant. Jamais je ne ressentis dans cette occupation une émotion si douce et cependant si vive. Tout semble augmenter mes transports. L'air que je respire est brûlant de volupté. La table même sur laquelle je vous écris, consacrée pour la première fois à cet usage, devient pour moi l'autel sacré de l'amour. Combien elle va s'embellir à mes yeux. J'aurai tracé sur elle le serment de vous aimer toujours. Pardonnez, je vous en supplie, le délire que j'éprouve. Je devrais peut-être m'abandonner moins à des transports que vous ne partagez pas. Il faut vous quitter un moment pour dissiper une ivresse qui s'augmente à chaque instant et qui devient plus forte que moi. Lettre 50. La présidente de Tourvel au vicomte de Valmont, ce 1er septembre. Est-ce ainsi, monsieur, que vous remplissez les conditions auxquelles j'ai consenti à recevoir quelquefois de vos lettres ? Et puis-je ne pas avoir à m'en plaindre quand vous ne m'y parlez que d'un sentiment auquel je craindrais encore de me livrer, quand même je le pourrais, sans blesser tous mes devoirs ? Au reste, si j'avais besoin de nouvelles raisons pour conserver cette crainte salutaire, il me semble que je pourrais les trouver dans votre dernière lettre. En effet, dans le moment même où vous croyez faire l'apologie de l'amour, que faites-vous au contraire que m'en montrer les orages redoutables ? Vous-même, chez qui l'habitude de ce délire dangereux doit en diminuer l'effet, n'êtes-vous pas obligé de convenir qu'il devient souvent plus fort que vous ? Et n'êtes-vous pas le premier à vous plaindre du trouble involontaire qu'il vous cause ? Quel ravage effrayant ne ferait-il donc pas sur un cœur neuf et sensible ? Vous croyez, monsieur, ou vous feignez de croire que l'amour mène au bonheur. Et moi, je suis si persuadée qu'il me rendrait malheureuse que je voudrais n'entendre jamais prononcer son nom. Il me semble que d'en parler seulement altère la tranquillité. Et c'est autant par goût que par devoir que je vous prie de vouloir bien garder le silence sur cet objet. C'était « Les liaisons dangereuses » de Pierre Chauderlot de Laclos. Adaptation Lise Charles. Troisième épisode. Avec Élodie Hubert, Cécile Volange, Sophie Dole, la marquise de Merteuil, Gabriel Dufay, le vicomte de Valmont, Flora Brunier, la présidente de Tourvel, Evelyne Guimara, madame de Volange, Lorenzo Lefebvre, le chevalier d'Anceny. Violoncelle baroque et arrangement, Lisa Herbès. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Équipe de réalisation, Claude Niort, Bastien Barrigo, Félix Levaché, Jean-Mathieu Zande.